Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On ne sait pas toujours ce que l'on fait. Natif en 1658 de Saint-Nicolas-de-la-Grave, entre Gascogne, Guyenne et Quercy, le dénommé Antoine Lomé, devenu pour tenter l'aventure américaine Antoine de la Motte Cadillac, ne pouvait se douter que son nom d'emprunt resterait dans l'histoire à cause d'une voiture. Il ne pouvait pas non plus se douter, en fondant Détroit, que cette ville deviendrait, vers la fin des années 80 du XXe siècle, la capitale historique de la musique techno, sur les ruines de celle de l'automobile. Jeff Mills est lui né à Détroit en 1963 et il sait très bien ce qu'il fait, de la musique. Pionnier avec Juan Atkins, Derrick May et Kevin Sanderson de la fameuse techno de Détroit, Jeff Mills, DJ star avant de devenir compositeur, y a gagné le surnom de sorcier des platines. Sans jamais renier sa production de musique de danse, il poursuit une recherche artistique ambitieuse en associant sa création musicale aux arts visuels et conceptuels ou encore à la musique classique, comme il le fit en 2005 avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier. En 2013, l'Atelier du son de Thomas Baumgartner recevait Jeff Mills. L'occasion pour les béotiens en la matière de découvrir que la musique techno, dont il serait abusif de dire qu'elle a ses racines dans le Tarn-et-Garonne, ne se limite pas à celle d'un célèbre duo intégralement casqué. Et voilà l'atelier du son qui commence. Bienvenue à vous, l'émission commence. Et d'une certaine manière, la journée aussi, puisque le morceau qu'on entend s'appelle For Our Day, la journée de 4 heures, issu du dernier album de Jeff Mills qui est sorti il y a quelques jours. C'est un voyage sur une autre planète, la Jungle Planet. C'est même le nom de l'album, The Jungle Planet. Et donc sur cette Jungle Planet, grosse comme 3 fois Jupiter, les journées durent 4 heures. For Our Day. Bonsoir Jeff Mills. Hello. Hello. Merci, merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Xavier Combe qui est à vos côtés, qui assure la traduction de notre conversation en temps réel ce soir. Jeff Mills, la radio vous connaissez, vous en avez fait plusieurs années aux États-Unis comme DJ sous le nom de The Wizard, le sorcier, à l'époque de l'expansion de la techno de Détroit dont vous êtes une des figures majeures. Votre scène aujourd'hui va beaucoup plus loin qu'un studio de radio, comme votre musique aussi sait être multiple. Et par exemple, vous pouvez volontiers inviter, c'est un exemple, une chorégraphe à vous rejoindre, qui sera le cas mercredi, donc dans quelques jours, pour la représentation donc de Oneness à la Gaîté Lyrique à Paris, avec la chorégraphe Emmanuelle Huyn et avec aussi le collectif mystérieux Downliners Sect. Des spectacles, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. J'ai vu qu'il y avait une centaine de dates par an. Vous êtes un artiste international. Votre calendrier, il est prêt combien de temps à l'avance, Jeff Mills? That's an interesting question. I mean, question intéressante. Oui, c'est un calendrier. Je crois que j'ai des dates jusqu'en novembre 2014. Parce qu'il y a des manifestations un petit peu spéciales qui s'organisent, elles, très longtemps à l'avance. Mais en moyenne, oui, c'est vrai, une centaine de dates, un peu plus de 100 dates par an. Autrement dit, je suis constamment en train de voyager. Working on projects and creating projects. Et je travaille sur des projets, je crée des projets pendant que je voyage. Mais est-ce que d'avoir ce calendrier-là, Jeff Mills, cette avance-là, savoir ce que vous allez faire dans un an, est-ce que c'est angoissant ou est-ce que c'est rassurant? Non, it's actually reassuring. En fait, c'est rassurant, mais c'est un petit peu stressant quand même. Parce que ça vous fixe quand même des dates butoirs. Donc ça vous impose des jalons. Et vous imaginez bien que je ne travaille pas seul. Il y a une équipe de gens qui, sans arrêt, me rappellent qu'il y a des jalons que je dois respecter. Donc, après 20 ans de travail sur des projets, on s'améliore au fil du temps quand même. Et on fait face à ces choses-là avec un peu plus d'aisance. Mais c'est quand même sympa d'avoir une perspective aussi lointaine. En effet, on peut imaginer le genre de musique que je vais créer, ou du moins que je vais proposer à l'été 2014. Musique que je prépare et que je mets en forme 6 mois à l'avance. Donc c'est intéressant de se projeter dans une perspective comme ça et de voir un petit peu comment les choses évoluent. Parfois ça évolue pas du tout comme prévu, mais au fil du temps, encore une fois, on arrive à s'adapter. Je vous pose cette question-là, Jeff Mills, parce que la question du futur est au centre non seulement du dernier album dont on parlait, dont on parlera sans doute au cours de cette émission, mais au centre de votre musique en général, de votre démarche, de votre projet même artistique, le futur, on va en parler, mais les origines c'est important aussi. Je voudrais qu'on parle de Détroit, qui est de votre ville de départ, l'origine de votre musique aussi, qui est une ville musicale. Aujourd'hui, vous la regardez comment, cette ville de Détroit? Detroit today. Well, my impression. Détroit aujourd'hui. Eh bien. On one side, one that I would like to D'une part, j'ai un certain nombre de souvenirs de cette ville. Ces souvenirs reviennent à la surface de mon esprit lorsque je retourne à Détroit. À une époque, les conditions étaient bien meilleures, et puis aujourd'hui, à la réalité du Détroit d'aujourd'hui, c'est une ville quand même assez sombre. Une grande proportion de la ville a quitté la ville, parce qu'à l'origine, c'est une ville automobile, et il y a eu la crise, donc il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de partir. Et c'est une ville qui connaît une restructuration à l'heure actuelle. Aujourd'hui, Détroit a atteint un point si bas qu'elle a besoin de se recréer. Les habitants de Détroit n'en sont pas pour autant dénués d'optimisme quand même. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver à Détroit avec de nouvelles réflexions et qui veulent profiter des ressources incroyables de Détroit, de son passé historique, de tout ce bagage. Et puis ils veulent créer un renouvellement de la ville. Et vous pensez que dans ce renouvellement de la ville, Jeff Mills, les artistes ont un rôle à jouer? Il y a beaucoup de, on peut voir pas mal de photos, effectivement, notamment, ou des travaux journalistiques où il y a Détroit avant et Détroit après. Ce contraste hallucinant d'une ville, effectivement, qui est tombée à un niveau très bas du fait de la crise. Est-ce que les artistes ont un rôle à jouer pour le après l'après? Well, I mean, historically, the city has always had an influx of. Si on regarde en arrière, on peut dire que Détroit a toujours connu un afflux d'artistes, étant donné sa position géographique entre la côte Est et la côte Ouest. Il y a des centaines d'années, c'était une des rares villes où les gens s'arrêtaient avant d'aller dans l'Ouest. Il y avait Chicago aussi, hein, mais Détroit et Chicago, c'était un point très important pour aller ensuite faire la ruée vers l'or. Et puis évidemment, on revenait et on repassait par Détroit. Et par ailleurs, il y a toujours eu une scène culturelle très vivante, donc une communauté d'artistes très riche. À Détroit, il y a une espèce de machinerie, un système qui mettait en avant les artistes, les musiciens. Ça existe encore aujourd'hui. À Détroit, combien de gamins ont dit à leurs parents, papa, maman, je veux être musicien? C'est ce qu'on faisait, parce que ça a très bien marché, donc avec les Motown et le rock et tout ça. Donc c'était tout à fait habituel que de vouloir être musicien à Détroit. Et à Détroit, il y a la production musicale qui est tout à fait exceptionnelle. Donc on met en avant la création musicale. Et il y a de très bonnes raisons de le faire, évidemment. Alors on dit que la techno de Détroit, Jeff Mills, qui est caractérisé par notamment des boucles très, très strictes, très, très fortes, et puis une pédale de grosse caisse qui est très très présente, qui était très très présente au moment où la techno de Détroit, voilà, menait le jeu, on peut le dire. Et on dit que ces boucles-là venaient de la présence énorme, évidemment, dans la ville, des machines et du travail à la chaîne, évidemment. Vous pensez que c'est ça l'origine de la boucle? Well, yeah, the looping comes from the result of conditioning. Oui, les boucles, ça vient d'une sorte de conditionnement des habitants de Détroit, des gens qui font la même tâche jour après jour, semaine après semaine, à telle enseigne que ce geste devient partie intrinsèque du récit, et du reste devient l'objectif de l'expression musicale. C'est très facile d'appréhender cela et de voir cette notion de boucle, de loop, très présente dans la ville de Détroit, qui est une ville ouvrière. Après tout, les gens, dans le temps, évidemment, donc étaient soumis aux mêmes tâches industrielle. Les quartiers sont tous conçus de la même façon, les familles mènent des vies tout à fait similaires. Donc, c'est pas très surprenant que la techno de Détroit ait évolué, comme vous venez de le dire, parce qu'il y a une certaine génération qui est influencée par la musique, science-fiction, avec une forte dose de science-fiction aussi. And the way that we communicated when we were kids. Le mode de communication quand on était gamin était empreint de tout ça. Donc ce que vous dites est tout à fait juste. Rétrospectivement, je me dirais que Détroit était un des rares endroits aux États-Unis où a pu naître cette techno, la fameuse techno de Détroit. Alors en 2000, c'est à Paris qu'on vous invite pour proposer une nouvelle bande son à un film muet qui était Metropolis de Fritz Lang. Donc autre rapport au temps, question du temps, c'est-à-dire que ce film c'est le futur imaginé en 1927, donc c'est le futur d'autres personnes. Toujours la présence évidemment beaucoup de la mécanique et les robots qui répliquent. Robot Replica, c'est un des morceaux que vous avez proposé pour la bande son de Metropolis, on en parle après. We'll be right back. bande originale du film Metropolis de Fritz Lang, revisité par Jeff Mills en 2000 pour une projection qui a eu lieu, je crois, au Centre Pompidou à Paris. Donc, Metropolis, un film où on voit un futur d'inégalité, un futur robotisé qui traduisait peut-être, sans doute, les angoisses d'un Fritz Lang en 1927, réalisateur allemand. Voilà. Est-ce que le futur, enfin le futur, c'est une question qui vous traverse, j'allais dire, Jeff Mills, qui vous travaille, et c'est même au cœur de votre projet musical. Est-ce que le futur, ça existe, Jeff Mills? Well, at least that this is what most of us imagine. La plupart d'entre nous pensent que l'avenir existe, qu'il existe un lendemain. Well, I mean, I'm hopeful, like everyone else. Yeah, that. Comme tout le monde. J'espère que nous pourrons tous travailler de telle sorte que l'avenir existe. D'un point de vue musical, j'essaye de saisir toutes les occasions qui me sont offertes d'exprimer cette notion de possibilité de l'avenir. Il faut préserver l'avenir. Nous devons nous y préparer. Voilà. Et nous devons mutuellement nous informer, échanger sur les façons dont nous pouvons appréhender l'avenir. Le voyage dans l'espace, la colonisation des planètes, les déplacements dans le système solaire, tout cela, à mon avis, ce sera une réalité à l'avenir. Et ce sera tout à fait passionnant. Mais est-ce que Jeff Mills, est-ce que le futur vous intéresse pour ce qu'il sera ou ce qu'il ne sera pas, ou comme carburant pour le présent? Well, both. I think. Les deux, mon capitaine. I don't have a crystal ball or anything like that. J'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas Madame Irma. Mais depuis longtemps, j'observe les gens autour de moi. And looking at what is where their voids, where their holes. Je regarde. Autour de moi, je constate qu'il y a peut-être certains vides ici ou là, et ces vides, j'essaye de les remplir ou de les montrer aux autres. J'essaye de dégager les éléments qui peuvent peut-être s'y trouver. Autrement dit, le voyage dans l'espace, la vie en dehors de la planète, ce genre de choses, voilà des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je travaille en profondeur. Ces vides-là, Jeff Mills, les vides dont vous parlez, ce sont des questions sans réponse, des questions que les gens ne se posent pas encore ou se posent sans avoir de réponse. C'est intéressant de savoir comment vous travaillez justement comme ça. Well, yeah, I mean, it's just if I just feel that if I can make people think. Moi, je me dis que si je peux susciter la réflexion à propos de l'avenir. Et bien dans ce cas-là, je crois que je réussis dans ma musique parce que ça permet aux gens de se dire qu'ils sont en train d'écouter quelque chose qui n'est pas du présent ni du passé, mais peut-être quelque chose qui a un rapport à l'avenir. C'est un petit peu ça, l'objectif sous-jacent de mes projets musicaux. Yes, sometimes it is danceable, sometimes it's not. Parfois, on peut danser sur cette musique, d'autres fois, on ne peut pas. Mais quoi qu'il en soit, dans ma musique, il y a un thème sous-jacent qui est que je voudrais que les gens entendent quelque chose qui vienne de l'avenir. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la musique du futur. Je suis en train de dire que je mets en place des sons, des notes, des accords pour essayer d'engendrer ce sentiment dans l'esprit des auditeurs. C'est ce qui est vrai, c'est que on se dit souvent que le son ou la musique, quand on l'entend et que c'est un son ancien, ça peut réveiller des souvenirs, ça peut nous faire presque voyager dans le passé, un passé personnel. Ce que vous nous dites là, c'est que vous essayez de fabriquer des sons qui vont éveiller. C'est la même mécanique, mais par rapport au futur. Oui, c'est précisément ça. C'est d'autant plus intéressant qu'on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve. My feelings about memories are. En fait. Mes sentiments vis-à-vis des souvenirs sont ambivalents. Je dirais pas amers, mais ambivalents. Memories actually get in the way. En fait, les souvenirs peuvent être encombrants. Sometimes of progressing and moving forward. Parce que les souvenirs peuvent vous empêcher d'avancer. Lorsqu'on utilise les souvenirs pour faire des distinctions entre les différents compartiments de notre être, on se rend compte que les souvenirs ne sont pas toujours utilisés au meilleur escient. Autrement dit, moi, je suis particulièrement prudent quant à la production d'une musique qui ferait penser à l'auditeur qu'il s'agit de quelque chose issu du passé. Et je préfère créer quelque chose, something that's unknown to someone, and even quelque chose if it's uncomfortable, de l'ordre de l'inconnu, même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas compréhensible de prime abord, je préfère aller dans ce sens-là que de créer quelque chose qui a déjà été fait, même si ça crée de l'aisance, mais ça, si ça ne génère pas de progrès, si c'est issu du passé, ça ne m'intéresse pas. Autrement dit, mon travail est particulièrement difficile. Plus difficile que pour d'autres musiciens en électro, parce qu'il faut que j'imagine des scénarios possibles de l'avenir, il faut que je traduise cela dans les machines qui sont à notre disposition aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est très ténu, cette possibilité. Hein. Donc, c'est un équilibre fragile à atteindre, parce qu'il y a cet inconnu, il y a ce grand point d'interrogation à l'avenir, et cela, évidemment, ouvre un champ des possibles assez immense. Donc, il y a le cinéma, il y a la danse, il y a d'autres formes d'art que l'on peut associer à la musique électro pour, à mon avis, pouvoir essayer de traduire ce que l'on ressent. Et puis il y a les choses, les innovations que vous avez faites, Jeff Mills, justement, dans cet ordre d'idées, ce que vous décriviez à l'instant. Par exemple, c'est se marier, j'allais dire, avec un orchestre philharmonique, comme par exemple celui de Montpellier. Il y a eu un énorme concert très marquant au Pont du Gard en 2005, donc avec l'orchestre philharmonique de Montpellier, sous la direction d'Alain Altinoglu. Et une adaptation, une orchestration de Thomas Roussel. Travailler avec un orchestre philharmonique, ça vous trottait dans la tête depuis un moment, avant 2005. Yes. I mean, it not just myself, but it had always been the dream. Il faut dire que ça, c'est un rêve. Musicians from Detroit. Un grand nombre de musiciens de Détroit, le fait que notre musique, la techno de Détroit, puisse être embrassée par un orchestre philharmonique. Donc ça fait l'objet de débats pendant plus de 10 ans, cette affaire-là. Et il a fallu attendre le bon moment. Et on a trouvé le moyen de rendre cela possible. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à rendre ce projet possible. Point that I had made music in the past. À tel point que dans le passé, j'avais créé de la musique me disant que ce serait mieux traduit en musique classique. So I knew that it was donc, just a je savais matter, au fond de moi-même qu'il fallait être patient, que ça allait quand même arriver. Et à ce stade, je suis absolument ravi que ça ait eu lieu. Et depuis 2005, je fais des performances dans ce sens. Et voilà, et cette première performance en 2005, il y a eu pas mal de reprises de certains nouveaux tubes, dont The Bells. We'll be right back. écoutez l'atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture. On a fait le choix ce soir, dans l'atelier du son, d'écouter en longueur, on va dire, dans leur totalité, les morceaux pour se plonger dans vos morceaux, Jeff Mills, parce qu'il y a, un vrai déploiement, évidemment. Yeah, I mean, I think that's always better to Oui, c'est toujours mieux d'entendre les choses dans leur entièreté, mais en écoutant ce morceau, je suis en train de réfléchir. Que c'est incroyable la musique que j'ai créée, une quantité incroyable, j'ai perdu le fil en fait, je ne pourrais pas... In my career, how much? Because I, je ne pourrais pas dire la quantité de musique que j'ai produite. Parce que la plupart de la musique que je fais, il faut dire que personne ne la connaît. Hein, elle n'est pas, produite. Je n'en produis, je n'en propose qu'une petite partie. Donc, je suis en train de me dire que ma relation à la musique, c'est la plupart du temps une relation purement personnelle. Lorsque j'ai réalisé ce morceau, j'ai fait 4 ou 5 autres versions qui ne sont jamais sorties, parce que je les jugeais moins bonnes que celle-là. Et typiquement, c'est la même chose. À chaque fois que je fais un morceau, il y a 4 ou 5 autres versions, au moins, qui ne voient jamais le jour. Mais est-ce que ça signifie, Jeff Mills, que vous oubliez ces versions qui n'ont pas été entendues par le public, puisque vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que ce qu'il faut se débarrasser peut-être du son ancien pour faire celui du futur. Oui, je voudrais les oublier. En fait, parfois, il me faut 4 ou 5 versions préalables pour arriver à celle qui me plaît. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles existent quand même, ces versions. J'ai en stock beaucoup de compositions qui existent, elles sont là. Elle pèse? Yeah, it's a large percentage of just en quantité, samples, oui, c'est quand même des échantillons, des samples, essais. I mean, for every album, pour chaque album, I typically make about 60 to 70 tracks. C'est à peu près 60 ou 70 morceaux. Là-dessus, j'en choisis 12 à 15. So I've always kind of been interested to find ways to Donc j'ai toujours voulu trouver des moyens d'utiliser plus de matériaux, plus de musique et la composition pour un orchestre, pour un film, tout ça, ça constitue une sorte de soulagement, parce que j'arrive à utiliser des matériaux que j'ai. Et d'une façon générale, je travaille très rapidement. En l'espace d'une nuit, je peux faire 12 à 15 pistes. Non, l'espace de 5 ou 6 heures. So it's developed into a very, very, very interesting. Donc tout ça c'est devenu une modalité de production très intéressante pour moi. Et donc c'est en l'occurrence là le travail avec l'orchestre, avec les orchestres de ce type-là. Là c'était l'orchestre philharmonique de Montpellier. Ça se reproduit, c'est devenu une forme pour vous apparemment, puisque je crois qu'après-demain, dimanche, vous êtes à Gand. Pour Light from the Outside World, que vous aviez joué il y a un an à Pleyel à Paris. Et puis, en octobre, 18 et 19 octobre en Bretagne, le 18 à Saint-Brieuc et le 19 à Rennes, au TNB, c'est la création de Where Light Ends avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Ça vous plaît d'être le soliste aux machines? Oui, ça me plaît beaucoup, cette position de soliste au milieu de l'orchestre. We kind of worked our way up to this scenario. C'est le résultat d'un processus, c'est le résultat d'une évolution quand même d'arriver à ça. J'ai pas voulu me lancer dans le travail avec des orchestres, avec de la musique d'autres compositeurs. Je ne voulais pas faire du Mozart ou des choses comme ça. Moi, à mon avis, c'est intéressant que si j'arrive à créer quelque chose de nouveau et de différent. C'est ça qui justifie mon travail avec un orchestre. Et jusqu'à présent, il s'agit d'occasions quand même très privilégiées. Et je dois dire que ça se traduit dans une musique qui plaît à des gens qui ont des bagages musicaux complètement différents. Et j'ai de plus en plus de performances de ce type à venir, donc c'est tout à fait prometteur tout ça. Peut-être que ça va devenir la norme, ça va peut-être devenir assez traditionnel pour la musique électro. Oui, il y en a d'autres qui ont suivi cette idée-là de travailler avec les orchestres. On peut conseiller à chacun d'aller voir les vidéos d'ailleurs de ces concerts-là et du vôtre en particulier. Il y en a pour Blue Potential, ce spectacle au Pont du Gard. On voit les vidéos et on voit le chef d'orchestre Alain Altinoglu qui accompagne du geste les vôtres d'ailleurs et qui accompagne la musique. C'est toujours plaisant de voir les corps en face de vos musiques. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fondamental pour vous. Le corps des danseurs, clubbeurs ou chorégraphes. Yeah, I mean I've been kind of dealing with, you know, body movement. C'est vrai que le mouvement du corps, you know, most of my life watching, je travaille dessus weaving, pratiquement depuis que je suis né. Donc je regarde kind of les corps se mouvoir, j'essaie de déchiffrer les mouvements du corps. Going further, working with contemporary dancers and le travail avec des danseurs de danse contemporaine et des compagnies de danse contemporaine, ça crée une relation que j'aime vraiment beaucoup. Et du reste, je voudrais travailler plus dans ce domaine avec ces gens-là. It's all about interpretation, and I mainly. En réalité, il s'agit d'interprétation. Et moi, je travaille une musique qui repose sur des concepts. Donc, à partir de là, on peut trouver le vocabulaire commun avec d'autres formes d'expression artistique, et à condition qu'il y ait un fil de récit, un fil narratif. Mais Emmanuel, c'était quelqu'un avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. C'était facile. On se met ensemble et on essaye de trouver l'expression idéale avec tous les moyens de son, de lumière ou autre à notre disposition. On essaye de trouver le passage qui nous mène au bon mouvement, à la bonne gestuelle. Avec cette multitude de projets, il y a une sorte de point commun, une sorte de fil rouge qui s'est développé. Et c'est plus facile de travailler avec un autre domaine artistique à condition qu'il y ait un récit, une histoire à raconter qui soit commune. Et ça rend les choses beaucoup plus faciles dans ce partage artistique. Si ce n'était que de l'improvisation, je crois que les résultats seraient plus difficiles à atteindre. Est-ce que ça signifie, Jeff Mills, que c'est le côté improvisé des danses des clubbers qui vous a poussé à aller vers autre chose? Je ne dis pas que ça vous aurait lassé, mais est-ce que c'est ça qui vous a dit qu'il faut aussi maîtriser le corps? Well, yes. I mean, after so many years of improvising on the fly as a, oui, as a DJ, pendant des années, j'ai improvisé sans arrêt en tant que DJ. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire mieux, parce que peut-être que j'ai développé une compétence pour apporter quelque chose aux autres formes d'expression artistique. And I think that's really one of the ways, you know, that's how we in electronic music can really take advantage and try to find a place. On peut vraiment profiter de ce que j'ai expliqué pour établir des passerelles avec d'autres artistes. Perhaps create things that would not normally exist. Je l'espère, créer des choses qui n'existeraient pas autrement. Il y a votre corps à vous aussi. Et vous faites partie des premiers DJ à avoir, comment dire, assumé la chorégraphie derrière les platines et de l'avoir montré, de l'avoir filmé avec un certain art d'ailleurs, avec une esthétique recherchée. Est-ce que le corps du DJ, en tant que corps, fait déjà de la musique? There isn't any particular way to learn. Il n'existe pas de façon d'apprendre à être un DJ ou d'être un DJ. Moi, j'ai eu de la chance parce que des DJs plus vieux que moi m'ont appris plein de choses. Moi, j'étais tout jeune. C'était une école, en fait. Et ces DJs, un petit peu plus expérimentés, m'ont fait venir dans une boîte. J'étais tout trop jeune pour aller dans la boîte ou sur la piste de danse. J'étais là dans la régie avec un coca à la main et je regardais les DJs faire. Et ils m'ont expliqué ce que doit faire le DJ. And how to expliquer comment il faut préparer la soirée pour que les gens en profitent, pour que la magie ait lieu, pour qu'il se passe des choses. Donc à certains moments de la soirée, on m'a dit qu'il faut atteindre un certain point, et puis après il faut permettre aux gens de se reposer pour ensuite refaire monter la pression. Donc on programme la musique sous forme de cycle. Donc ce n'est pas la même chose en continu pendant 8 heures. Au contraire, il faut se mettre dans la peau des gens pour lesquels on travaille. Donc il faut penser aux gens qui dansent sur la piste. Et la gestuelle du DJ doit faire constamment montre de maîtrise. Même s'il y a une panne de courant, même si tout est dans le noir, machin, il faut toujours que le DJ soit la tête sur les épaules et maîtrise sa situation. Donc, moi, on m'a appris qu'il faut jamais vraiment exprimer les choses. On m'a dit qu'il faut toujours rester concentré sur ce que l'on fait. Et il faut toujours garder le temps à l'esprit. Toujours avoir un œil sur la montre. À la seconde près. Et puis ensuite, il faut savoir lire le public et puis faire, savoir faire ce qu'il faut faire à certains moments au cours de la soirée. Et la chose la plus importante, c'est d'établir un lien de confiance et avec le public aussi rapidement que possible, pouvoir le rassurer, le mettre en confiance vite. Bon, ça semble un peu suranné, hein, ce que je raconte là, mais ça marche, hein, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Jeff Mills, DJ, compositeur et figure mondiale de l'électro, est dans l'atelier du son ce soir. We'll be right back. Punisher Last Confession sur l'album At First Sight en 2002, dans une esthétique, comme une fidélité on va dire au premier mix que vous aviez signé au début des années 90. Alors Jeff Mills, tout à l'heure vous nous parliez de votre désir de croiser les disciplines artistiques, et justement il y a ce spectacle qui a lieu mercredi à la Gaîté Lyrique à Paris, intitulé Oneness, que vous faites donc avec Emmanuel, celle que vous appeliez Emmanuel tout à l'heure, qui est Emmanuel Huyn, la chorégraphe, et avec aussi le collectif Downliners Sect. Oneness, ça veut dire l'unité, on va dire. C'est quelle unité ? Humanité et technologie, c'est ça l'unité ? Right, well yeah, it's the concept is based on the subject of singularity. Oui, en fait, il s'agit de singularité. The point in which humans d'unicité. Merge donc la to fusion unreturnable state, vers un état with machines. Irréversible, donc fusion avec les machines. The point in which il s'agit du point humanity has then someone from humanity has taken that jump, un élément de l'humain a franchi ce pas énorme pour se rendre compte de quelque chose ou pour provoquer quelque chose, et à partir de là tout change parce que tout devient un. And so the performance, so Oneness, Oneness is based on the idea of c'est une performance qui repose sur cette idée que les machines et les hommes fusionnent pour devenir un élément unique. Est-ce que c'est une unité, une singularité, une nouvelle ère donc, positive ? Est-ce que c'est positif ce qui est décrit, ou est-ce que vous vous mettez en dehors de cette question, j'allais dire presque morale ? Well, it's debatable. I mean, because it raises a bunch of questions. On peut discuter parce que ça pose quand même pas mal de questions. Si jamais on pourrait envisager la fusion de l'homme avec la machine, à ce moment-là, la machine pourrait s'occuper de manière bienveillante de l'être humain is that for everyone? Dans son aspect physique, est-ce que ce bien-être sera l'apanage des happy few? Est-ce que ce sera proposé à tous les êtres humains? Est-ce que c'est un avenir souhaitable? Si l'aspect machine de l'être humain décide que l'autre partie c'est trop pesant et qu'il faut s'en débarrasser, ça peut poser un problème aussi. Donc ça pose à mon sens beaucoup de questions sur le degré de cette fusion, le degré de l'évolution, vers où, jusqu'où veut-on aller, quelles sont les limites morales, comme vous disiez, quelles sont les limites morales de ce que nous voulons envisager. Donc cette unicité is great. C'est une intention formidable. Le fait que ça soit possible, la vie éternelle, longévité sans limite, tout ça c'est très séduisant. Le fait d'exploiter son expérience pour que cela profite aux autres, le partage des connaissances, tout ça c'est merveilleux. But there are negative aspects. Mais malgré tout, il reste des aspects négatifs that one could imagine. Très facile à imaginer. Et comment avez-vous travaillé, Jeff Mills, avec Emmanuel Huyn ? Comment avez-vous partagé vos points de vue ? Comment avez-vous créé ensemble ? Well, we had become friends from our mutual friends. Nous sommes rencontrés par des amis communs dans la communauté de la danse ici à Paris. Well, I had performed Oneness in a different perspective in Tokyo. Je l'avais joué à Tokyo il y a environ deux ans, mais avec un point de vue un peu différent. Projected primarily on the landscape and the society of the Japanese. Axé dans le paysage et la société japonaise. Et l'idée, c'était de créer quelque chose dans le cadre d'une manifestation qui repose sur la conscience qu'ont les gens d'eux-mêmes. Et je me suis dit que Oneness, ça pourrait fonctionner de ce point de vue-là. Emmanuel et moi, briefly talked about the idea nous about working un échange sur un travail commun, éventuel. Elle me donnait des informations sur ce qu'elle faisait, les projets qu'elle menait, ainsi de suite. Et lorsque donc la possibilité s'est présentée, je me suis dit, mais voilà, il faut que ce soit avec elle, que ce projet voit le jour. Et alors le futur par la musique, par le croisement des arts, donc avec la danse, ce sera donc dans Oneness le 2 octobre, mercredi, à la Gaîté Lyrique à Paris. Ça, c'est donc le futur par le concept. Il y a le futur par les histoires. L'album dont on parlait au début d'émission de Jungle Planet, c'est un vrai scénario. L'histoire d'une terre devenue invivable et transformée en jardin, quasiment par des aliens. Donc, un seul être humain, un survivant part de la Terre, va chercher une autre planète et une autre dimension. Ce survivant s'appelle le messager, et c'est là qu'il doit recréer l'espèce humaine. Je résume les quelques 12, 13 morceaux qui se trouvent sur The Jungle Planet. Et à un moment donné, il est question de collecteurs de rêves humains, et ça donne un morceau qui s'appelle Human Dream Collectors. Et c'est sur ce Human Dream Collectors, sur ces rêves, qu'on termine l'émission et qu'on aborde la nuit. Merci beaucoup, Jeff Mills, d'avoir été avec nous ce soir. Thank you. Thank you very much. L'atelier du son, c'est Inès De Bruyne à la préparation, à la coordination, et Véronique Lamandour à la réalisation. Au son ce soir, c'était Alain Joubert. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 septembre 2013. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.